à nos regrets, à nos malheurs. Les roses ont flétri par erreur. Mais quand des silences dévoilent nos âmes, rien de la peur qui nous sépare. Mais quand des silences dévoilent nos âmes, l'espoir que rien n'amène surgit de l'ombre, une absence au loin figée comme une lueur inonde la terre de sa présence, un flot d'images, de symboles, de regrets voilés, de paroles ne répand que larmes et douleurs.